sanctionner quoi? La France va condamner quoi? La France est complice. Le Mali a dit à tout le monde, a des preuves sur la France, à l'ONU, a porté plainte contre la France parce que c'est un État criminel. La France, quand Macron s'amène comme ça, ils peuvent bavarder devant nous comme ça, en surface. Mais nous savons très bien qu'il est venu demander à Tshisekedi de voter contre la Russie si ce n'est pas déjà fait. Ça, c'est un. De deux, il est venu demander à Tshisekedi des contrats ambigus qui ne peuvent pas être communiqués. Non, il ne peut pas dire « Ah bon, j'ai besoin de ton uranium » puisque les Occidentaux, ils n'ont pas d'uranium. Les États-Unis qui ont bombardé Hiroshima, Nagasaki, ils n'ont pas d'uranium. Ils sont pauvres. L'Europe est pauvre. Les États-Unis sont pauvres. Ils vivent du Congo depuis combien d'années? Afrique Média, le monde, c'est nous.